La 7e conférence de la Fédération Générale des Syndicats de Corée a eu lieu les 25 et 26 courants au Palais de la Culture du Peuple à Pyongyang. Y ont pris part les cadres responsables du Comité Central du Parti du Travail de Corée, notamment Choi Ryong-hae, vice-président du Comité Central du Parti, les responsables du Comité Central de la Fédération Générale des Syndicats de Corée et les délégués élus des conférences provinciales des syndicats, ainsi que les observateurs comme les cadres des organismes du Parti, de l'administration, des forces armées et la délégation de l'Union des enseignants coréens au Japon. Les sujets suivants ont été mis à l'ordre du jour de la conférence. 1. Du bilan des activités du Comité central de la Fédération générale des syndicats de Corée. 2. Du bilan des activités de la Commission centrale de vérification de la Fédération générale des syndicats de Corée. 3. De la révision des statuts de la Fédération générale des syndicats de Corée. 4. De l'élection de l'organe directeur central de la Fédération générale des syndicats de Corée. Choi Ryong-hae, membre du comité permanent du bureau politique et vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, a transmis la lettre historique « Devoir de la classe ouvrière Kim Il-sung, Kim Jong-il à l'époque actuelle et tâches des organisations syndicales » adressée aux participants à la 7e conférence de la Fédération générale des syndicats de Corée par le maréchal Kim Jong-un. On a annoncé que les messages et lettres de félicitations sont parvenus à l'occasion de la conférence de la Fédération générale des syndicats de Corée par des organisations syndicales de divers pays, institutions internationales et des personnalités des milieux politiques et sociaux étrangers. On a présenté aussi le message de félicitations de la direction ouvrière du Comité Sud pour l'application de la déclaration commune du 15 juin. Le président du Comité central de la Fédération générale des syndicats a fait le rapport sur le premier point de l'ordre du jour du bilan des activités du Comité central de la Fédération générale des syndicats de Corée. Après le discours de félicitations du chef de la délégation de l'Union des enseignants coréens au Japon, il y a eu les interventions sur le premier point. La résolution sur le premier point du bilan des activités du Comité central de la Fédération générale des syndicats de Corée est adoptée à l'unanimité par les délégués. Ensuite, il y a eu le rapport sur le deuxième point du bilan des activités de la Commission centrale de vérification de la Fédération générale des syndicats de Corée. Puis, on a discuté le troisième point de la révision des statuts de la Fédération générale des syndicats de Corée. La résolution sur la révision des statuts de la Fédération générale des syndicats de Corée est adoptée à l'unanimité par les délégués. On a discuté le quatrième point de l'élection de l'organe directeur central de la Fédération générale des syndicats de Corée. À la conférence, on a publié le contenu de résolution de la première session plénière du 7e comité central de la Fédération générale des syndicats de Corée. On a élu la commission exécutive du comité central et constitué la commission organisationnelle du comité central de la Fédération générale des syndicats. Par ailleurs, on a nommé les chefs de département du comité central de la Fédération générale des syndicats et le rédacteur en chef de l'organe du comité central de la Fédération générale des syndicats, Journal des ouvriers. On a rendu public le résultat de l'élection des présidents et vice-présidents de la Commission centrale de vérification tenue à la première session plénière de la 7e Commission centrale de vérification de la Fédération générale des syndicats. Finalement, on a adopté un test de serment à l'adresse du maréchal Kim Jong-un.